Suite quatrième MP3. À ce compte, elle sera sévère pour Monsieur de Chateaubriand, car, nous le répétons, l'opposition a été son élément et sa vie. Sur les 15 ans du gouvernement de son choix, il en a passé 12 dans l'opposition, et dans une opposition non pas silencieuse, ni modérée, mais passionnée, vitupérative, s'exhalant de mois en mois, en brochures qui épuisaient le vocabulaire de l'invective. Les 3 années où Monsieur de Chateaubriand s'est tu sont celles où il était ambassadeur ou ministre. Il nous apprend lui-même par ses mémoires que si les convenances d'État le condamnaient alors au silence, le démon de l'opposition n'y perdait rien. Envoyé, il écrivait à ses ministres des dépêches qui valaient des pamphlets. Ministre, son silence même, lui servait d'instrument d'opposition contre ses collègues. Et ce fut un de ces silences significatifs qui emporta, hors des bornes de la prudence et de la politesse, l'impatience de M. de Villèle. Encore si cette ligne d'opposition avait toujours été la même, il aurait droit de se poser, comme il fait, en Cassandre prophétique, dont les avertissements négligés n'ont pu arrêter la chute d'Ilion, rôle merveilleusement commode qui permet de travailler de tout son cœur à amener les désastres mêmes qu'on prédit et met à l'abri, à tout événement, la conscience et la vanité. Mais il convient lui-même que cette ligne est brisée brusquement à un point déterminé, sa sortie du ministère. Il a sa première et sa seconde opposition dirigées en sens directement contraire. C'est lui qui les désigne, ainsi, comme un grand peintre à sa première et à sa seconde manière. Ces oppositions coïncident avec les deux systèmes de gouvernement que la Restauration a tour à tour employés et les deux seuls entre lesquels il put choisir. Placée entre deux partis ennemis qu'elle était tenue de concilier, entre deux ordres d'idées qu'elle avait pour tâche de faire vivre ensemble, elle n'avait guère d'autre alternative que de donner le pouvoir à l'un de ces deux partis, en le chargeant de se plier du mieux qu'il pourrait aux habitudes de l'autre. Il fallait abandonner l'autorité aux hommes de la Révolution en s'efforçant de les rendre monarchiques. Ce fut le système que M. de Cazes professa courageusement, ou la concentrer tout entière entre les mains des hommes monarchiques par excellence, pour les engager à s'accommoder aux habitudes constitutionnelles. Ce fut le système que M. de Villèle pratiqua adroitement. M. de Chateaubriand y fut associé quelques jours. La France aurait beaucoup gagné si l'un ou l'autre de ces systèmes avait rencontré en face de lui des adversaires moins impatients de le renverser que soigneux de le contenir et de le ramener à ce juste point d'équilibre dont les gouvernements, au fond, tendent toujours à se rapprocher. Tout gouvernement qui aurait duré dans l'enceinte de la charte l'aurait affermi. Tout ministère renversé au nom de la charte l'ébranlait au fond dans sa chute. Si M. de Chateaubriand avait été ce qu'il prétend, un monarchique libéral, son rôle eût été précisément celui de ce modérateur des oppositions, qui ne s'est jamais trouvé en France. C'est le rôle opposé qu'il a joué, dans les deux sens. Il a mis le feu aux inimitiés. Il a reculé les limites de la passion et de l'injure. Il a traité M. Descazes d'assassin et M. de Villèle de marchand d'âme et de conscience. Il a emprunté à ses opinions successives uniquement ce qui pouvait rendre son opposition plus dangereuse et plus poignante pour l'ennemi qu'il combattait. Ce fut lui qui, dans sa première opposition, enseigna aux partis religieux et monarchiques à emprunter la forme injurieuse, le langage et les habitudes de la presse radicale. Lisez le conservateur, c'est le ton de l'anarchie mis au service des principes de la monarchie de droit divin et d'autorité catholique. Douloureux mélange dont le brevet d'invention appartient à M. de Chateaubriand, mais qui n'a pas manqué d'imitateurs pendant 18 ans et dont la révolution de février a eu le mérite de nous délivrer. En revanche, s'il y eut, comme on l'a beaucoup dit, une portion du parti libéral qui emprunta hypocritement le langage des institutions monarchiques pour arriver à les renverser, la seconde opposition de M. de Chateaubriand dut la servir à souhait. Ainsi, il donna tour à tour à l'opinion monarchique les allures révolutionnaires, aux tendances révolutionnaires, la consécration monarchique. Avec une naïveté sans pareille, il croit que les détails très blessants, en effet, de sa disgrâce, excusent complètement ce changement de front. Il couvre tout de ces 3 mots, écrits en gros caractères en tête d'un chapitre « Je change de public ». Et de conscience, en avait-il aussi changé, par la même occasion? Nous ne connaissons que le soleil qui change de point de vue sans changer de place, et qui passe, sans bouger, de l'Orient à l'Occident. Y a-t-il dans le monde des esprits des étoiles fixes autour desquelles les idées, les gouvernements et les nations tournent comme d'humbles satellites. M. de Chateaubriand se vante beaucoup du retentissement qu'eurent sa sortie du ministère et son passage de la première à la seconde opposition. L'impression fut grande, il est vrai. Elle eut sur beaucoup d'esprits un effet décisif. L'étroite, mais loyale intelligence de Charles X dut éprouver plus que de la colère, du scandale à voir l'homme des passions de 1815, le ministre de la guerre d'Espagne, aller prendre rang du soir au matin pour une disgrâce dans l'armée libérale. La défection de l'orateur et du poète chevaleresque de la droite dut lui fournir un argument de plus sur l'incompatibilité des institutions libérales et du caractère des Français. De son côté, le public, fort libéral alors, charmé de l'expression véhémente de la colère de M. de Chateaubriand, qui, succédant à une longue intimité, avait tout le charme d'une indiscrétion, s'affermit de plus en plus dans l'opinion qu'on ne pouvait vivre, même sur un pied d'étiquette polie, avec un parti et des gens dont l'amitié tournait si court. Chacun, public et souverain, s'enfonça ainsi dans ses tendances naturelles. Il en résulta qu'un jour, le roi ayant cherché l'occasion de se délivrer des institutions, le public ne la trouva que trop bonne pour se délivrer aussi du roi. Voilà le service le plus net que M. de Chateaubriand ait rendu à cette conciliation, à jamais regrettable, de la vieille monarchie et de la France nouvelle, à laquelle il prétend avoir consacré sa vie. Qu'importe qu'il ait voulu établir un lien d'unité entre ces deux oppositions, en montrant qu'il avait, aux deux époques, défendu la liberté de la presse et ce qu'on a nommé depuis la théorie du gouvernement parlementaire. Ne sait-on pas que toutes les constitutions libérales contiennent un arsenal d'opposition, où toutes les causes en minorité peuvent aller se fournir d'armes? La liberté de la presse et le gouvernement parlementaire sont des moyens de résistance qu'on peut employer indifféremment au service d'une opposition aristocratique ou démocratique, royaliste ou républicaine, et pourvu qu'on ait soin d'en tirer des conséquences qui rendent tout gouvernement impossible, on peut, avec une apparence de consistance, combattre par les mêmes arguments et pour servir la même ambition les systèmes de politique opposés. Il est tel journaliste, de nos jours, qui en remontrerait à M. de Chateaubriand sur cet art de tourner, pour ainsi dire, sur pivot, et de dire toujours la même chose en défense des opinions les plus contraires. Mais les gens de bonne foi ne sont pas dupes de ces artifices de polémique. Ce qui importe, ce ne sont pas les moyens, c'est l'esprit général, ce sont les sentiments dominants d'une opposition. C'est surtout le ton qu'elle affecte. Qu'on reconnaisse, si l'on peut, l'ami passionné de la monarchie légitime, je ne dis pas seulement dans les derniers pamphlets de M. de Chateaubriand, mais même dans les chapitres de ses mémoires ou de Sang-froid, à tête reposée, il raconte sa dernière campagne politique. Un ami même affligé résiste, mais n'offense pas. À l'âcre saveur du langage, on reconnaît non pas l'amitié contristée, mais la personnalité outrée que la vengeance même n'a pu calmer. Relisez seulement son discours à la Chambre des Pairs le lendemain de la Révolution de juillet. Il a bien eu le courage de le réimprimer. Je m'adresse au cœur des gens de bien. Ils savent s'il est quelque chose de plus déchirant et de plus délicat au monde que de retrouver dans le malheur un ancien ami qui nous a blessés. C'est la pierre de touche des sentiments généreux. Une parole, un geste, une inflexion de voix, tout a du prix dans ces moments solennels. Que dire d'un confident, d'un serviteur, qui n'a pas trouvé d'autre adieu à envoyer sur la trace d'une famille exilée que de lui dire qu'elle est chassée à coups de fourche par l'indignation publique? Que cette rhétorique est donc bien placée dans sa bouche. En fait de phrases qu'il faut avoir le cœur à l'ouvrage pour qu'il ne se fende pas en les brodant sur un tel thème. Il renonçait pour cette famille à sa dignité, dira-t-on, dans ce moment-là. De grâce, laissons-le se draper dans ce contraste auquel il a sans doute assez songé en descendant de la tribune. Je ne sais comment les choses se passent entre souverains et sujets, mais entre gens du monde, un ami qui offre un sacrifice sur ce ton-là s'expose fort à ce qu'on lui jette sa bourse et ses dons par le milieu du visage. Ce discours, le dernier qu'il ait prononcé, puisqu'il y donnait sa démission de pair de France, est aussi le chef-d'œuvre du genre. Placé au confluent de deux gouvernements, on ne sait qui est le plus outragé du pouvoir naissant ou du pouvoir tombé. C'est là aussi qu'on voit commencer certaines flatteries pour la République. certaines douceurs à l'adresse de la démocratie future, qui couronnent étrangement le récit de cette vie monarchique. Je passe, et pour toutes sortes de raisons, dont la plus grande est une insurmontable répugnance, les trivialités que M. de Chateaubriand n'a pas dédaignées dans sa narration plus qu'infidèle de la Révolution de Juillet. Je ne m'étonne pas qu'un homme de parti ait pu les écrire. Je m'étonne qu'un homme de goût ait pu les relire. C'est une étude morale que je fais, et non une discussion politique que je veux engager. Il est d'ailleurs, par le monde, des grandeurs tombées qui, dans leur retraite pleine de dignité, ne pardonneraient pas à un défenseur maladroit d'accepter une discussion sur leur compte, engagée dans un tel langage. Le moment n'est pas venu où l'impartiale postérité dira que la lourde responsabilité des révolutions pèse sur ceux qui les provoquent, et non pas sur ceux qui les terminent. N'anticipons pas sur son jugement, mais dans ces journées de révolution, où le sol de Paris tremblait et brûlait sous ses pas, où M. de Chateaubriand eut le malheur, à ce qu'il nous dit, de ne rencontrer parmi ses amis que des parjures ou des poltrons, tandis que chacun sauvait l'ordre social comme il pouvait, les uns en essayant de conserver un vieux trône, un jeune roi, les autres de fonder une monarchie nouvelle. M. de Chateaubriand eut, lui, quelque part, sur les quais, une aventure populaire qui paraît lui avoir laissé de grands souvenirs. Il fut porté en triomphe à la Chambre des Pairs par une cinquantaine d'étudiants, qui répétèrent bénévolement tous les cris qu'il leur fit pousser. Ceux qui l'ont vu arriver à la tête de ce cortège disent qu'il était singulièrement exalté, et qu'il lui échappa de dire « Eh, qu'on détruise la monarchie ! En 8 jours, avec la liberté de la presse, je l'aurai rétabli. » Il eut évidemment en ce moment quelque pressentiment du rôle de paratonnerre. Il lui vint en tête de mettre à flot quelques brochures sur la vague populaire. Cette idée, évidemment, ne l'a plus quittée, et les espérances d'un avenir républicain percent jusque dans sa correspondance avec Madame la Duchesse de Berry. Peu s'en faut que pendant sa détention préventive dans le salon de M. Gisquet, qu'il appelle un cachot, il ne se crût un demi-martyr de la société nouvelle et du républicanisme. Il paraît très préoccupé que la jeune France ne le prenne pas pour un rabâcheur de panache blanc et de lieux communs sur Henri IV. Il ne veut pas qu'on le croie capable d'un attendrissement de nourrice transmis de maillot en maillot depuis le berceau de Henri IV jusqu'à celui du jeune Henri. Avouez que nous voilà loin de la vie et de la mort du duc de Berry. En fait de palinodie, nous avons vu bien mieux, je le sais. Mais il y a quelque chose de tout particulier chez M. de Chateaubriand. C'est un mélange d'humeur et d'adulation. C'est une tentative de flatter à la fois et de maudire la société nouvelle, de s'associer à ses espérances plus ou moins chimériques de régénération en continuant à traiter la Révolution française de décadence, de greffer en soi le républicain sans donner tort aux royalistes. Le but de ces alternatives est évident. C'est un effort pour concilier le mérite de la consistance politique avec celui de ces intelligences souples qui savent se prêter à la marche de l'opinion populaire. Mais le résultat suggère une comparaison un peu vulgaire que nous ne hasardons que parce que M. de Chateaubriand tant qu'il lui ressemble. On dirait les propos d'une femme âgée qui, tout en médisant des mœurs de la génération nouvelle, lance par habitude une œillade oblique à quelque jeune homme. Ce n'est là, au fond, qu'un trait de plus du caractère général que M. de Chateaubriand a manifesté, une prétention universelle à tous les genres d'intelligence. En fait de facultés intellectuelles, la Providence l'avait gâté. S'il est permis de le dire, elle lui avait en quelque sorte tendu un piège. Et il n'est pas le seul qui s'y soit laissé prendre. Son talent d'écrivain lui fit illusion sur toutes ses autres facultés. En dépit de ses prétentions à la qualité d'homme politique, d'historien et de penseur, M. de Chateaubriand reste et restera avant toute chose un grand écrivain. À part quelques défauts qui n'étaient pas inhérents à sa manière d'écrire et qu'il a recherchés dans le but de faire un effet exagéré, c'est un écrivain de la grande école, du bon temps de la langue française, de ce temps où la lucidité faisait le mérite principal du style, qu'à la condition de se comprendre bien soi-même et de se faire bien comprendre des autres. Le style de M. de Chateaubriand est net avant même d'être brillant. Alors même que le fond des idées est parfois vague, le contour de la phrase est toujours précis. Chaque membre a son sens déterminé. Chaque mot, même étrange, a sa valeur. Les combinaisons de mots sont quelquefois forcées, jamais jetées à l'aventure. Parfois, le style même a fait à la pensée une heureuse violence et l'a forcée de s'éclaircir en s'exprimant. Lorsqu'au premier jour de la Restauration, M. de Chateaubriand se mit à l'œuvre pour traiter de politique, cette heureuse manière d'écrire fit un effet inattendu. Cette phrase acérée, ce tour net, relevé à des temps justes par une métaphore pleine d'éclat, appliquée à des sujets longtemps défendus, ravirent un public fatigué de silence, avide de publicité. Cette voix brillante avait je ne sais quoi de strident qui lui donnait un immense écho. Il n'en fallut pas davantage à M. de Chateaubriand pour se croire transformé en homme d'État, et surtout, comme il le dit avec une complaisance mal déguisée sous une apparence de dédain, en homme positif et pratique. Il se trompait. S'il en eut parfois le langage, le fond lui manqua toujours. Il écrivit bien sur les affaires, il ne les fit jamais bien. Une étude attentive de ses écrits le démontre. Il suffit de relire ses livres de doctrine politique. À première vue, ils abondent en idées sensées vivement exprimées. Regardez de près, que d'incohérences, que d'antithèses puériles. Le bon sens et la raison sont pour ainsi dire d'emprunt et à la surface. La chimère et l'inconséquence sont au fond. On dirait que ce sont les paroles bien tournées qui ont suggéré les pensées justes, et que le besoin d'être intelligible a donné à l'intelligence une extension momentanée qui, l'instant d'après, l'abandonne. Même spectacle dans ses dépêches du congrès de Vérone. C'est l'accent, et comme on dirait, la note musicale des affaires. Mettez-les à côté des lettres de M. de Villèle, c'est un personnage à côté d'une personne. Tout le monde ne s'y trompait pas. Plus d'un de ses correspondants augustes d'alors, dont il a cité toutes les dépêches, laisse percer son impression par une flatterie ironique, par un petit sourire du coin des lèvres, dont M. de Chateaubriand ne s'aperçoit pas. Son rusé collègue ne s'y faisait pas plus d'illusions et n'aimait pas qu'on s'en fît. Mais M. de Chateaubriand lui-même était sincèrement dupe de ses propres phrases, et de bonne foi, se croyant le plus grand diplomate et le plus grand ministre du monde, il n'a jamais compris ce qui a manqué à ses succès et ce qui a causé ses disgrâces. Aussi, pensant avoir tous les mérites, il était simple qu'il prétendît à tous les honneurs. Il faut voir avec quel naturel et quel sans-gêne de vanité. Il y a un chapitre intitulé « Présomption », auprès duquel toutes les tirades des marquis de Molière pâlissent. Puis, il faut voir aussi les joies enfantines que lui causent les plus simples signes extérieurs, attachés aux dignités dont, après tout, il fut comblé, le nombre de ses gens, la livrée de ses domestiques, l'éclat de ses fêtes ou de ses dîners, sa maison remplie de beau monde et sa poitrine chamarrée de cordons. Heureux mortel que les prétentions aristocratiques ne privent d'aucune des joies des parvenus. Tout cela, bien entendu, est raconté négligemment avec un souverain dédain qui n'a pas empêché de tout compter, de tout remarquer et de tout dire. Règle générale nécessaire à l'intelligence des mémoires. Toutes les fois que l'auteur a prétendu à quelque chose, il a soin d'en parler avec dédain. On est confondu du nombre de choses auxquelles il a pensé et dont il ne s'est jamais soucié. Ce procédé étant général et passé à l'état d'habitude, que penser de phrases comme celle-ci « Roi de la terre, gardez vos couronnes et surtout ne me les offrez pas, car je n'en veux mis. » Ou bien encore, je pourrais m'adresser aux monarques comme j'ai tout perdu pour leur couronne. Il serait assez juste qu'ils me nourrissent, mais cette idée qui devrait leur venir ne leur vient pas, et à moi elle vient encore moins. Plutôt que de m'asseoir au banquet des rois, j'aimerais mieux recommencer la diète. Puisque cette idée n'est venue à personne, on se demande comment elle se trouve imprimée tout au long. Ces élans d'amour-propre seraient des petitesses innocentes si toute vanité n'avait un revers de médaille, et si une si grande complaisance pour soi-même n'engendrait toujours une déplaisance égale pour autrui. On dit en philosophie que le non-moi est la limite du moi. M. de Chateaubriand paraît avoir cruellement senti cette vérité, et ce moi, dont le domaine tenait tant de place, en a cordialement voulu à tout ce qui lui servait de frontière. mais ici vraiment on ne se sent plus le courage de railler. Aussi bien on ne rit pas de bon cœur devant la mort, et nous touchons à un tort moral d'une telle gravité qu'il passe les bornes de la plaisanterie et servira d'excuse en même temps qu'il mettra le comble à la sévérité de notre jugement. Il y eut un homme, au XVIIe siècle, doué d'une âme à la fois haineuse et honnête, profondément aigri par le spectacle d'une immoralité fastueuse et par le silence obligé d'une cour. Il eut des amis chauds qu'il servit loyalement. Il eut des ennemis qu'il combattit en face. Retiré des affaires, vieillissant au fond d'un château, il se consolait de l'âge en racontant les souvenirs de sa jeunesse. Une phrase abrupte, éclairée par une imagination vive, a fait passer jusqu'à nous l'ardeur de ses inimitiés. Mais quelle chaleur dans ses affections! Quel accent de sincérité dans ses regrets! Comme l'indignation de l'ami du bien, comme la hauteur naturelle du grand seigneur, comme la sagacité de l'observateur ont plus de part encore à ses jugements impitoyables que la passion personnelle! Comme on sent que le présent est fini pour lui, que le monde n'existe déjà plus alors même que la jeunesse de l'âme évoque si vivement les souvenirs du passé. Et pourtant, du fond de sa retraite et du milieu de sa colère, cet homme conserva un tel sentiment de son devoir, un tel tact des convenances de la société des honnêtes gens, qu'il laissa son manuscrit dans le silence et lui interdit le jour pour un demi-siècle. Nul n'en soupçonna l'existence de son vivant. Et, quand ses arrêts sont venus à la connaissance du public, il n'y avait plus rien de commun entre sa société et la nôtre. Les fils, les petits-fils, avaient suivi les aïeux dans la tombe. Le temps, comme le fleuve infernal, avait déroulé par 9 fois entre lui et nous les anneaux des révolutions. M. de Chateaubriand n'a pas attendu la mort au fond d'un château. Elle l'a trouvé tranquillement assis dans le salon d'une femme gracieuse et bonne, dont aucun sentiment haineux n'approcha. À l'ombre de cette protection paisible, les hommes de tous les partis se pressaient autour de lui, heureux d'oublier des griefs surannés et d'environner de respect et d'honneur la vieillesse du dernier grand écrivain de la France. Il put rencontrer là, jusqu'au dernier jour, d'anciens adversaires, des successeurs et des rivaux. Je jurerais volontiers que le moindre ressentiment ne se fit jamais sentir, ni dans l'expression de leur visage, ni dans l'inflexion de leur voix. Les passions politiques se taisaient devant le déclin solennel du génie. M. de Chateaubriand n'a point écrit ses mémoires dans le silence, ni pour la postérité. Sauf la publicité directe, tous les moyens détournés ont été employés pour les faire connaître. Les confidences partielles ont été nombreuses. Les indiscrétions de la presse ont été tolérées, sinon provoquées. Par une anticipation sans exemple, par une fraude faite au droit de la mort, M. de Chateaubriand a escompté le succès. Disons tout, bien que le mot fasse mal, le profit de son œuvre posthume. Il a su, il a parfaitement su au milieu de quelle société allait tomber cette œuvre attendue, prônée, payée. Il a pu connaître tous ses lecteurs par leur nom et mesurer la portée de toutes ses phrases. Et cependant, quand ce livre tant annoncé a été enfin livré à notre impatience légitime, il s'est trouvé contenir des volumes entiers, inconnus aux confidents les mieux informés, et qui ne sont qu'une longue diatribe personnelle, frappant à droite et à gauche, amis et ennemis, adversaires et collègues, femmes et hommes, vivants et morts, sans plus de ménagement pour la vérité des faits que pour l'intégrité des caractères. L'élégie ou l'épopée des premiers volumes, on en avait fait des lectures complaisantes. Le libelle des derniers livres avait été gardé secret pour la surprise du public. Et quand ces traits envenimés sont entrés dans des plaies encore saignantes, quand des vieillards sont venus réclamer pour leur honneur que les révolutions mêmes avaient respecté, quand les fils ont voulu justifier la mémoire offensée de leur père, la défense légitime et la piété filiale n'ont plus trouvé à qui s'en prendre. C'était un mort qui revenait de nuit pour calomnier et disparaissait sans attendre le jour. La tombe se rouvrait un instant pour laisser passer l'injure. Elle se refermait aussitôt pour repousser la vérité qui venait s'émousser sur sa pierre. Nous serions au désespoir qu'on nous soupçonnât d'exagération, peut-être de ressentiment, pour tout ce qui a pu froisser, dans l'ouvrage de M. de Chateaubriand, des sympathies qui nous sont chères. Aussi j'admets qu'on ne doit rien, pas même la vérité et surtout pas la justice, à d'anciens adversaires politiques. J'admets que le regret d'avoir été et le dépit de ne plus être excusent, légitime même, si l'on veut, la profondeur des rancunes et l'amertume des expressions. J'admets que le dernier gouvernement, fondé trop exclusivement sur la raison, en dehors des traditions du passé et des chimères de l'avenir, ne disait rien à l'imagination d'un artiste. Et j'abandonne cette époque heureuse et libre aux violences de son ennemi, comme à la justice intérieure que chacun lui rend aujourd'hui. Je passe tout à M. de Chateaubriand quand il sert son inimitié, mais quand il trahit l'amitié, quand il met son amour-propre en dehors de la noble solidarité d'une cause vaincue, quand il nous introduit dans les confidences de la défaite et de l'exil pour nous faire voir comme il y fut seul sage, seul courageux, au milieu de l'imbécillité et de la lâcheté générale, je sens mon indignation renaître, et je la crois d'autant plus sincère qu'elle est alors pleinement désintéressée. Des ennemis, soit, mais d'anciens amis, mais des corps de l'État au sein desquels on a siégé, une cour proscrite qui joint la dignité du rang à celle du malheur. Quelle raison, quel prétexte d'étaler aux yeux des contemporains leurs portraits dénaturés, leurs secrètes douleurs dévoilées, leurs faiblesses malignement commentées. Parmi tant de révélations que M. de Chateaubriand nous fait sur le compte de ce parti monarchique au sein duquel il a vécu, il en est que nous ne savions pas et que nous ne croirons jamais. Il en est que nous savions et que nous n'avions nul besoin d'entendre. Nous ne croirons jamais, par exemple, que parmi tant de serviteurs du vieux roi, qui, en 1830, se jetèrent entre lui et la fureur politique, il ne se soit pas trouvé un homme de cœur. Il ne dépendra pas de M. de Chateaubriand d'altérer la réputation de loyauté attachée à de certains noms. Il ne réussira pas, après 20 ans, à noircir la bonne foi de ce noble médiateur qui a couru de Saint-Cloud au péril de sa vie et dont, au milieu de l'effervescence d'un peuple, la parole, si elle ne fut pas écoutée par tout le monde, ne fut mise en doute par personne. En revanche, pense-t-il nous avoir rien appris lorsqu'il nous fait voir en détail ce que tout le monde sait, à savoir que, quand les rois ont le malheur d'avoir des cours qui se mêlent de leurs affaires, l'exil même ne les préserve pas des intrigues. Mais en vérité, va-t-on en pèlerinage chez les rois détrônés pour raconter ensuite en détail les petites misères qui les entourent? Ce voyage solitaire en Bohême, ce journal maussade tenu dans une auberge, voilà peut-être la lecture la plus mélancolique que ces 10 volumes présentent. On y lit jusqu'au fond de cette âme dévastée. L'orgueil courbé par l'âge erre sur ces ruines, où passent aussi par moments des images presque inconvenantes de passagères, d'impuissantes lubies de jeunes hommes. Puis nous entrons dans ce vieux palais, et les sentiments qui portent l'auteur nous paraissent aussi froids que les murs démeublés qu'il dépeint. C'est un prince qui commanda des armées françaises, qui espéra le trône, et dont la douleur muette est tournée en imbécillité ridicule. C'est un vieux serviteur à qui une congestion religieuse embarrasse le cerveau. C'en est un autre qui est un grand seigneur avorté, un amateur des arts sans imagination, un libertin à la glace, qui a enterré la monarchie à Ardvel, à Gand, à Édimbourg, à Prague, toujours veillant à la dépouille des puissants défunts, comme ces paysans des côtes qui recueillent les objets naufragés que la mer rejette sur ses bords. Voilà ce qu'un mourant écrivit sur les compagnons fidèles du malheur. Dans la ronde fantasque inventée par l'artiste sardonique du Moyen-Âge, la mort, se jouant de l'exil, n'avait pas encore figuré. Que devait faire maintenant devant ce singulier monument une critique sincèrement admiratrice du talent, mais plus respectueuse encore pour la morale? Sera-t-il dit que ce calcul aura réussi? Sera-t-il dit qu'après s'être livré en paix à ses solitaires épanchements de fiel, il aura préservé jusqu'à sa mémoire de la revendication de la vérité? Cette idée est insupportable. M. de Chateaubriand n'est plus. Son souvenir, ses exemples, vivent. Nous vivons aussi pour les interroger et en tirer pour la génération présente d'utiles enseignements. Ces longs volumes renferment une grande leçon. Ne craignons pas de l'envisager. M. de Chateaubriand nous a donné son secret. Il fut un sublime égoïste. Il ne pensa qu'à lui-même. Il a vécu, il est mort dans cette pensée. Au-dessus de ses sentiments de famille, de ses épanchements d'amour, de ses dévouements politiques, sa personne passe toujours. Elle survit, à peine atteinte par les impressions du dehors, profondément dévorée par le feu d'une ambition intérieure. Elle a débordé toutes les dignités dont il a été revêtu. Elle a fait éclater tous les partis qui l'ont reçu dans leur rang. Son égoïsme n'eut point la mesquinerie d'un calcul, il eut la grandeur d'une passion. Comme tous les sentiments vrais, cet égoïsme a produit des actes de courage et même de sacrifice. Il lui est arrivé de sacrifier son intérêt à sa gloire et sa place à son rôle. Mais, sur l'autel où il s'immolait, il était Dieu en même temps que victime. Le mal qui consumait sa vieillesse chagrine fait ravage autour de nous. La scène politique est envahie par ces égoïsmes démesurés qui réussissent à troubler, à absorber peut-être quelques jours en eux-mêmes l'existence de toute une nation, et vont sécher ensuite sur quelques plages abandonnées, rejetées par tous les partis. Contenu par le régime salutaire de la discussion chez les hommes politiques proprement dit, ce mal semble surtout n'épargner aucun de ceux qui, des lettres, passent aux affaires. L'irritable vanité poétique, illustre dans tous les temps, est devenue aujourd'hui un véritable fléau populaire. Nous ne pensons pas pourtant qu'il ait été réservé à notre époque d'ajouter au fond la moindre dose à l'incurable égoïsme du cœur humain. Mais il est en général dans les sociétés des conditions d'équilibre moral presque aussi essentielles à leur existence que la densité physique de l'air qu'elle respire. Autrefois, quand l'homme, heureusement doué par la nature, sentait s'éveiller en lui les premiers aiguillons du talent, il apercevait en même temps, devant ses yeux, des corps constitués, des dignités héréditaires, des grandeurs de tout genre qui l'étonnaient de leur élévation. Il sentait peser sur sa tête une société régulière, avec ses traditions et ses doctrines. Et ce poids salutaire doublait, en l'en contenant, l'élasticité du génie. Aujourd'hui, sur notre terrain mis à nu, quiconque s'élève un peu a tout de suite la tête par-dessus tout le monde. Il n'aperçoit plus que des fronts inclinés devant le sien. De là ces développements monstrueux de la vanité, véritables phénomènes moraux que l'étranger étonné vient admirer parmi nous. La pression atmosphérique manque partout autour de nous, et l'âme des poètes, formée d'une matière plus volatile qu'aucune autre, est la première à mettre au jour ces prodiges d'une ébullition spontanée. Aucune règle morale ne supplée, je le sais bien, au contrepoids naturel d'une société bien organisée. La raison publique, quand elle fait un effort sérieux, et qu'elle s'appuie surtout sur d'éternelles vérités, n'est pourtant pas tout à fait impuissante. Discussion politique, jugement historique et philosophique, critique littéraire, il est temps de convier solennellement toutes les forces de cette raison à une croisade contre le mal qui nous déborde. Il ne s'agit point ici de plaisir d'esprit, de raffinement du goût. Le mauvais goût, les mauvais cœurs, les malheurs publics, tout se tient intimement. Si nous ne le voyons pas, nous sommes bien aveugles. Dans un temps où la littérature fait les révolutions, pourquoi la critique ne se croirait-elle pas, pour sa part, chargée de les prévenir? Si M. de Fontanes avait vécu, nous n'aurions jamais eu la douleur des mémoires d'outre-tombe. Et si heureusement pour M. de Chateaubriand, cette explosion a été si tardive, c'est sans doute à la scène, à la sévère critique de ces premières années que nous en sommes redevables. Si, le jour où le chantre, encore pur, des méditations, aventura la religion dans la caverne de Jocelyn, quelque voix se fût élevée pour dénoncer la profanation cachée sous l'emphase, nous n'aurions peut-être pas vu commencer cette ligne de déviation morale qui commença par les Girondins pour aboutir à l'hôtel de ville. Il n'est pas jusqu'au grand apostat de notre âge, jusqu'à ce prêtre sur qui le monde s'est chargé d'exécuter les sentences de Dieu, à qui une critique hardie, faite à temps, n'eût peut-être épargné l'anathème. Malheureusement, la critique, comme toute chose, dans ces temps heureux, profitait de la liberté commune pour se passer des fantaisies. On avait un gouvernement pour défendre la société. À lui, les blâmes revenaient de droit. Les directeurs naturels, devenus les corrupteurs de l'esprit public, n'entendaient qu'un concert d'adulation. La royauté sociale était chaque jour outragée. La prétendue royauté du talent conservait seule des courtisans et des flatteurs. Instruite par l'expérience, affranchie par le scandale, il est temps que la critique se mette à l'œuvre aujourd'hui pour crever ces outres de vanité littéraire d'où sortent par intervalles les orages des révolutions. Il est temps qu'elle reprenne ses règles et ses droits. Elle retrouvera ses règles, depuis longtemps oubliées, réfugiées au pied de la loi morale dont elles émanent. Ses droits sont ceux de la vérité qu'elle interprète et des générations nouvelles qu'elle enseigne. Il l'autorise à parler de pair à tout le monde et à traiter avec une franchise égale la réputation des vivants et la mémoire des morts. Albert de Breuil.